Tu sais, ma petite, bientôt tu vas sortir du ventre de maman, découvrir le monde terrestre. Tu n'auras peut-être pas le papa avec la meilleure situation, non. Juste un passionné qui s'est battu toute sa vie, intègre, pour gagner quelques deniers avec ses chansons. Je ne sais pas. Peut-être que tu aurais préféré que je sois comptable ou millionnaire. On verra. Tu sais, ma petite, papa n'a pas beaucoup d'argent, mais il t'aime déjà comme un fou. Papa pense à toi tous les jours, petit embryon d'amour. Il ne pourra pas te payer des études, mais il te serrera très fort dans ses bras. Il ne pourra pas t'emmener en voiture, mais il t'inondera de toute l'affection du monde. Son appartement ne sera pas très grand, mais il pourra t'apprendre le piano, la guitare, le cinéma et simplement la vie. Car tu sais, ma petite, avant que tu ne débarques, celle de papa fut longue. Papa t'a attendu longtemps, mon amour. Il a eu 20 ans. Puis 25, puis 30, puis 33. Mais aujourd'hui, tu es là. Ma petite, papa est si seul et si spécial que si ça se trouve, papa, tu ne le connaîtras pas. Si quand tu arrives, mon ange, je ne suis déjà plus là, sache que papa, de là-haut, il t'aimera, il te regardera et il veillera sur toi. Et puis tu sais quoi, avec tous ces CD, tu n'auras qu'à les mettre et m'écouter, et papa sera toujours un peu là. Voilà, je voulais t'adresser ce message. Ça me paraissait important.